بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, le chef, il explique aujourd'hui, on va expliquer la partie de son livre où il parle de la sortie de Ya'juj et Ma'juj. On traduit ça en français souvent par Gog et Magog. En arabe, Ya'juj ou Ma'juj. Donc, le chef, il commence et dit Khuruj ou Ya'juj ou Ma'juj, نتكلم عن خروج Ya'juj ou Ma'juj. على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من ذكر هذا الحدث العظيم لأن الإيمان بذلك واعتقاده واجب على المسلمين. Donc le chef dit on va parler aujourd'hui de la sortie de Ya'juj wa Ma'juj à la lumière de ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on va mentionner ce qui a été dit à ce grand, sur ce grand sujet et sur ce grand événement. Et on va aussi expliquer ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la foi et que c'est obligatoire de croire pour chaque musulman en ce qui va arriver yani, au sujet de Ya'juj ou Ma'juj. Donc le chef il dit « Wa khuruj Ya'juj ou Ma'juj » ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ذكر ذلك السفاريني. Donc la sortie de Ya'juj et Ma'juj est établie par le Coran et la Sunna et par le consensus de la Umma. Et ça a été rapporté par l'imam al-Safarini rahimahullah. Les preuves du livre, c'est-à-dire les preuves du Coran, voici quelques versets dans le Coran qui montrent la preuve et les évidences de la sortie de Ya'juj et de Ma'juj. Le premier verset, c'est وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَلَى حَتَّى إِذَا قُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَمْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Ça, c'est le premier verset. Et c'est dans Sourate Al-Anbiya, les versets 96 et 97. Al-Anbiya, le prophète. Sourate Al-Anbiya, les versets 96 et 97. Ça signifie en français jusqu'à ce que soient relâchés mes Ya'juj et Ma'juj. Et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Naam. Et l'autre verset que le Cheikh a mentionné, c'est dans l'histoire de Zulqarnayn, dans Surat Al-Kahf. Le Cheikh dit « ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير ف فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آتوني زبر الحديد, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا, حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي, فإذا جاء وعد ربي جعله دكا, وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا, وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الترجمة للترجمة. Puis il suivit une autre voie, c'est-à-dire Zulqarnayn. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, c'est-à-dire deux montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, oh Zulqarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec force et je construirai un remblai, comme une barrière, entre vous et nous, ou un barrage. Donc il dit ensuite, apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit souffler. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu jusqu'à que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader et ni les brécher non plus. Il dit c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. C'est-à-dire cette barrière-là. Lorsque l'ordre d'Allah va arriver, elle va être nivelée au sol. D'accord? Ça, c'est vers la fin du temps. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots sur les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Surat al-Kahf, la caverne, versets 92 jusqu'à 100. Donc, ça c'est l'explication dans le Coran au sujet de Ya'juj et Ma'juj. Et le chef il continue en disant « Hada saddun min hadith bayna jabalayn banahu zul qarnayn » فصار ردما واحدا يحجز هؤلاء القوم المفسدين في الأرض عن أذية الناس والإفساد في الأرض. Donc le chef il dit que ça c'est un barrage de fer qui a été établi entre deux montagnes et ça a été construit par Zulqarnayn et il l'a fait pour que ça devienne comme si un barrage qui vient égaliser les deux montagne à un même niveau comme un seul mur. Et il dit que ça a été fait pour bloquer ce peuple de corruption qui sème le désordre sur la terre et pour les empêcher de nuire aux êtres humains et de faire le désordre. On connaît pas l'endroit exact où ils sont et puis on sait pas exactement non plus qui était Zulqarnayn. Sauf que Yanni, c'est une chose qui va arriver vers la fin des temps, ils vont sortir. Et puis, c'est des choses qui font partie de le rêve, bien l'invisible, quelque chose qu'on apprend, on ne sait pas exactement où c'est. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتَ الَّذِي قُدِّرَ إِنْهِدَامُ السَّدْ فِيهِ جَعَلَهُ اللَّهُ مُسَاوِيًا لِلْأَرْضِ وعد لا بد منه فإذا انهدم يخرجون على الناس يموجون وينسلون أي يسرعون أو يسرعون المشي من كل حد ثم يكون النفخ في الصور قريبا من ذلك. الشيخ يزيد lorsque le temps viendra, ce barrage-là sera détruit. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le niveler au niveau du sol. Et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit arriver. C'est-à-dire que ce barrage doit se détruire. Et Ya'juj wa Ma'juj vont sortir comme les vagues. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils vont sortir comme une vague. Et ils vont se précipiter et descendre de toutes les hauteurs, arriver sur les gens. Subhanallah, peut-être comme semblable à une vague, comme un tsunami. ثم يكون النفخ في الصور قريبا من ذلك. Et ensuite il y aura la première résonance de la trompette, un des trompes de qu'on va entendre vers la fin des temps. Donc le cheikh dit أما الدليل من السنة في صحيح مسلم ففي صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فاحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينفلون فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا ماء ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار الحديث. Donc ça c'est un hadith rapporté dans Sahih Muslim selon An-Nawas ibn Sam'an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler ou va faire inspirer Isa et lui faire lui révéler que après avoir tué le Dajjal, il va lui révéler en fait que Ya'juj et Ma'juj vont sortir. Il va lui faire savoir que Ya'juj et Ma'juj vont sortir et il va leur dire, il va lui dire qu'il y a un grand nombre parmi les serviteurs qui vont sortir. Alors, va sur la montagne qui s'appelle At-Tur et cherche à se préserver contre eux sur cette montagne parce que vous n'êtes pas capable de les affronter. Donc, c'est ce que Isa va faire avec les croyants qui vont être avec lui et ils vont se réfugier sur la montagne de At-Tur et ils seront encerclés, ils vont sortir et ils vont venir sur les gens, ils sont tellement nombreux que le premier d'entre eux vont passer auprès d'une petite un petit lac ou je suis pas sûr si c'est ce lac là, mais en tout cas c'est un petit lac et puis ils vont passer et les premiers vont boire de ce lac. C'est un gros lac nage. En fait c'est plus que lac, c'est Bouhira, c'est une petite mer. Ils vont passer à côté, il y a une petite rivière, ils vont passer à côté et puis les premiers vont en boire et les derniers vont arriver, ils vont dire il y avait de l'eau ici avant. Ça veut dire seulement qu'ils sont nombreux. Et ils vont encercler Isa et ses compagnons et il dit حتى يكون رأس الثوب لأحدهم خير من 100 دينار jusqu'à ce que la tête d'un bœuf ou d'un taureau soit meilleure pour eux que 100 dinars. Ça c'est le hadith. Et il y a un autre hadith rapporté par Hudayfa dans Al-Tabarani, qui dit يمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va les empêcher d'entrer à la Mecque et à Médine et à la وهم من ولد آدم عند أكثر العلماء. Ce sont parmi les enfants de Adam. C'est des êtres humains. selon la plupart des savants. قال ابن عبد البر الإجماع على أنهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام. Il dit le consensus c'est que ce sont des fils de Japheth, le fils de Noé, عليه السلام. وذكر العلامة السفاري قال ابن كثير يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم. ابن كثير الإمام As-Safarini a dit que Ibn Kathir dit que Ya'juj et Ma'juj sont deux groupes parmi les Turcs, As-Turcs, et que ce sont des fils d'Adam, des enfants parmi les enfants d'Adam, deux groupes parmi les Turcs. Pas les Turcs, c'est pas les Turcs en Turquie, les Turcs, l'origine des Turcs, c'est la Mongolie, c'est de là qu'ils sortent, d'accord. Et ils se sont répandus par la suite, ils ont envahi les pays musulmans, puis ils se sont convertis à l'islam, puis ce qu'on le connaît maintenant en Turquie, là, c'est juste une partie des Turcs en réalité. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit le chef, ثم قال وهم من ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك. C'est ça. Donc ils sont les fils de Noé, de la descendance de Yafet ibn Abi Turk, le père des Turcs. Yafet, le père des Turcs. Il dit: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب خروجهم وحذر منهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti de la proximité de leur sortie, et il a averti contre eux, et il a dit, dans, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aujourd'hui a été ouverte une brèche dans le barrage de Yajouj et Majouj de telle distance, mais je pense que dans l'autre hadith il a dit, il a fait l'espace avec ses deux doigts comme un cercle, yani, en voulant dire comme un trou, yani, dans le mur de Ya'juj wa Ma'juj. Et ça c'est expliqué dans un autre hadith aussi dans Sahihain, rapporté par Sahihain selon Zainab ben Jahsh, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nama indaha thumma istayqadha muhmarran wajhahu wa huwa yaqulu la ilaha illallah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawm min radm ya'juj wa ma'juj mithla hadha wa halaqa bayna asbi'ayhi. C'est ça. Il dit qu'il est allé, un jour il dormait chez Zainab, c'était la nuit de, c'était le soir où il est allé dormir chez cette femme, c'est une de ses femmes, donc il a passé la nuit là-bas et il dormait, et tout d'un coup il s'est réveillé, le visage rouge, il a dit: la ilaha illallah, nul il mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il a dit: malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Et il dit qu'aujourd'hui, une brèche a été faite dans le barrage de Ya'juj et Ma'juj de cette grosseur, et il a fait un cercle avec ses deux doigts pour montrer la grosseur de la brèche. Le chef dit ensuite: أما صفاتهم وأجسامهم فقد قال الإمام ابن كثير هم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الترك الغطم المغول المجرمزة أعينهم. C'est que Ibn Kathir il mentionne une petite description de ces gens, de Ya'juj et Ma'juj, et il dit qu'ils ressemblent aux gens de comme les Turcs, c'est-à-dire les Mongols, ils sont de cette ressemblance-là, c'est des gens qui ressemblent à ces gens-là. Et il décrit leurs yeux en disant « mujarmaza ». Moi, je n'ai pas trouvé la définition de ce mot-là. Ensuite, « adulf » ou « adulfo » un « unu » par exemple. Il décrit leur nez. Et ça aussi, je n'ai pas trouvé la définition de ce mot-là dans plusieurs dictionnaires arabes. Et « as-suhbu shu'uruhum ». Et ça, bon, moi j'ai trouvé une définition de ce mot-là, c'est blanc ou roux. Et encore là, je suis pas certain, donc non, c'est pas ça. Non, non, non. Non. Donc, je vais essayer de revérifier dans d'autres dictionnaires si j'ai la chance, Inch'Allah, et je vous donnerai plus de détails la semaine prochaine si j'en trouve. Et le cheikh il dit par exemple qu'ils sont de la même couleur et la même forme, que même physionomie que les gens des Turcs, les Mongols. Et le cheikh il répond par exemple, par la suite il dit « وَمَنْ زَعْمَا أَنَّ مِنْهُمْ الطَّوِيلَ الَّذِي كَالنَّخْلَ أَسْبَحُوكْ أَوْ أَطْوَالْ وَمِنْهُمْ الْقَصِيرَ الَّذِي هُوَ كَالشَّيْءَ الْحَقِيرَ ومنهم من له أذنان يتغطى إحداهما ويتواطى بالأخرى فقد تكلف ما لا علم له به وقد قال ما لا دليل عليه. Donc il dit, celui qui pense que certains d'entre eux sont grands comme un palmier ou plus grand encore, ou qu'il y en a qui sont plus très petits comme des nains ou comme des petits créateurs, tout de suite. Ou que parmi eux, il y en a qui ont des oreilles tellement longues qu'une peut s'attacher avec l'autre. Ils disent, ces gens-là, ils ont dit qu'il n'y a aucune preuve. Ils ont dit quelque chose sur lequel il n'y a aucune référence, aucune preuve. Donc, ils ont inventé des choses. Après, il dit, أَمَّا مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنَ الْأَذَى وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ونهايتهم فقد دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج أو يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الناس و ينحاز الناس عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبتن حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم وبقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مقتضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك بعث الله جودا في أعناقهم كنغص الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون أنا رجل C'est un had, le cheikh il dit qu'est-ce qui va arriver de leur part, yani de tout le tort qu'ils vont faire, de désordre qu'ils vont faire sur la terre, et comment ils vont terminer, ça va être quoi leur fin. Ça a été expliqué dans un hadith apporté par l'imam Ahmad selon Abi Saïd ibn al-Khudri. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque Ya'juj et Ma'juj vont, la barrière va être ouverte et qu'ils vont sortir sur les gens, de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, qu'ils descendront de toutes les hauteurs, ils vont couvrir les gens et ils vont les gens vont s'enfuir d'eux et ils vont se protéger dans les villes et dans les forteresses et les barrières. Et les gens vont amener avec eux, bien entendu, leurs animaux domestiques, ou pas domestiques, mais les animaux, le bétail. Et Ya'juj vont boire l'eau de la terre. À tel point qu'un d'entre eux passe à, où il y a une rivière, ils vont boire de cette eau et ils vont la laisser à sèche. Hein, et les autres vont arriver là-bas, les derniers de ces gens-là vont arriver à la fin, ils vont dire, il y avait un cours d'eau ici, une fois. C'est-à-dire, ils sont très très très nombreux. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, excepté que les gens se sont déjà réfugiés derrière les barrières et derrière les barricades et tout. Alors, un d'entre eux va dire, ça y est, on a fini avec les gens, on les a exterminés tous. Il reste seulement les gens du ciel maintenant, ou les habitants du ciel. Alors, il y en a un d'entre eux qui va prendre sa lance et qui va la lancer au ciel, et elle va retomber remplie de sang. Et ça, c'est un test et une épreuve, yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et tandis qu'ils seront comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'un ver va venir, je ne sais pas, mais la façon que c'est expliqué ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir un ver de leur cou, qui ressemble à نفس الجراد. La façon que j'ai vu la définition de نفس الجراد, النفس c'est comme une sorte de, qu'est-ce qui sort de la sauterelle, si vous avez vu des sauterelles, comme peut-être une sorte de liquide là, ou quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Donc ça va sortir de leur cou, et puis ils vont tous mourir sur le coup. Ils vont tous être morts, et qu'on ne va plus rien entendre d'un seul bruit de leur part. Yani. Et donc, les musulmans vont dire, le chef dit, فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى رَجُلٌ يَشْرِي لَنَا نَفْسَهُ فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوُ قَالَ فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُحْتَسِبًا قَدْ وَطَنَهَا عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولُ فَيَنْزِلُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله تعالى قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم فيسرحون مواشيهم فما يكون لها رأي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء أصابته من النبات قط. Okay, c'est ça. Donc à la fin, yani, qu'est-ce qui va arriver? Les musulmans vont dire, est-ce qu'un d'entre vous ne voudrait pas aller voir ce qui est arrivé avec cet ennemi? Et un d'entre eux va sortir et il va descendre et il va voir qu'ils sont tous morts. Alors il va appeler les gens, il va dire, oh les musulmans, je vous annonce la bonne nouvelle que Allah vous a éliminé votre ennemi, vous a débarrassé de votre ennemi, et les gens vont commencer à sortir de leur barrière et de leur ville et tout, et ils vont faire fête leur bétail et tout ça, et ils n'ont rien à manger excepté la viande de ces, je pense qu'ils vont commencer à manger ça au lieu de, étant donné qu'il n'y aura plus rien à, qu'il n'y aura plus aucune herbe à, dans le bec pour manger les restes. Et ils n'ont rien trouvé de mieux, mais ils vont remercier de la meilleure façon, la meilleure façon possible, comme ils n'ont jamais remercié pour l'herbe, d'aucune façon. Donc ça, c'est la signification de ce hadith, et ça nous donne quelques éclaircissements au sujet de Ya'juj wa Ma'juj. après ça, il dit le cheikh, « قال الإمام ابن كثير هكذا أخرجه ابن ماجة من حديث يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق به وهو إسناد جيد. » قال الإمام ابن كثير. Il dit que ça, ça a été rapporté par ابن ماجة aussi, selon un hadith de يونس ابن بكير, selon محمد ابن إسحاق, et c'est une chaîne qui est bonne. Et le cheikh dit, « وقد أنكر بعض الكتاب الأخريين وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد وبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة. Donc le chef dit qu'il y a des écrivains ou des auteurs contemporains qui ont essayé de nier la présence ou l'existence de Yajuj et Majuj et l'existence de ce barrage. Et certains d'entre eux ont dit que Yajuj et Majuj, en réalité, ce sont tous des pays de coupe qui sont plus développés ou plus avancés dans la technologie. Mais le chef il dit, « La شك أن هذا تكذيب لما جاء في القرآن وتكذيب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأويل له بما لا يحتمله ولا شك أن من كذب بما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكذلك من أوله بما لا يحتمله فإنه ضال ويخشى عليه من الكفر. Le chef il dit, il n'y a pas de doute que de dire cette chose-là ou d'interpréter les choses de cette façon-là, c'est une négation de ce qui est venu dans le Coran. Et celui qui renie que ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est une négation également de ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ou bien c'est une déformation, une fausse interprétation qui n'est pas supportée par aucune preuve ou référence. Et le chef il dit qu'il n'y a pas de doute que celui qui ment ou qui dément, quoi que ce soit qui est dans le Coran ou qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, il est mécréant. Et de même que celui qui essaie de déformer le sens réel de ce qui vient d'Allah et du messager, alors c'est un égaré et on craint pour lui la mécréance. Le chef il dit, « وَلَيْسَ لِهَاُولَاءِ شُبْهَا يَسْتَنْدُونَ إِلَيْهَا إلا قولهم إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكان فيها. Donc le chef dit la seule chubha qu'ils ont ou qu'ils essaient d'utiliser comme preuve, c'est qu'est-ce qu'ils disent que on a exploré la terre en entier et on n'a pas trouvé Yajuj et Majuj et on n'a pas trouvé le barrage. Donc le chef dit, « والجواب عن ذلك أن كون المكتشفين لم يعثوا على يأجوج ومأجوج وسدهم لا يدل ذلك على عدم وجودهم بل يدل على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله عز وجل وقد يكون الله عز وجل صرف أبصارهم عن رؤيتهم أو جعل أشياء تمنع من الوصول إليهم والله قادر على كل شيء وكل شيء له أجل. الشيخ يقول، et la réponse à ça c'est que le fait que les explorateurs n'ont pas été capables de trouver Yajuj et Majuj et leur barrière, leur barrage, ça ne prouve pas que ça qu'il n'existe pas. Le chef dit en fait ça prouve uniquement l'incapacité des êtres humains d'avoir une connaissance complète de tous les royaumes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur vue de, ou a détourné leur regard pour les empêcher de les voir. Et, ou également, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a empêché les hommes de les atteindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un terme pour chaque chose. Donc, le chef, il dit, كما قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Donc ton peuple il dit que Allah SWT a dit dans le Coran et ton peuple l'a démenti alors que c'est la vérité. Il dit je ne suis pas un garant sur vous. Pour chaque information il y a un but ou un terme bien déterminé et certes vous allez savoir. Vous allez le savoir. Le chef il dit par la suite وَمَا الَّذِي أَعْمَى أَبْصَارُ الْأَوَائِلِ وَأَعْجَزَهُمْ قُدُرَاتَهُمْ وَأَعْجَزُ قُدُرَاتَهُمْ عَنْ كُنُوزِ الْأَرْضِ الَّتِي اكْتَشَفَهَا الْمُعَاصِرُونَ كَالْبِتْرُولِ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِذَلِكَ أَجَلًا وَوَقْتًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Le cheikh dit et qu'est-ce qui a aveuglé le regard ou qui a bloqué le regard des premiers hommes et qui les a empêchés de déterminer la présence des trésors dans la terre qu'on a découvert uniquement à notre époque actuelle, comme le pétrole et d'autres choses de ce genre. Non, quel pétrole. Non. Oui, mais en arabe, on dit pétrole. Parce que c'est pas un mot arabe, en fait. Pétrole. Le bas. Oui, le bédrole. Bédroule. Le bédroule. Pardon? Un net, c'est le gaz, le gazoline. Ah, ils ont changé le terme. Hein. Oui, peut-être qu'il a voulu utiliser un terme qui est arabe. Non, c'est un peu drôle. Donc, c'est ça. Mais les deux ont la même signification. Laisse-moi parler, non? Il est où? Oui, ok. Nif. Subhanallah. Oui, c'est écrit dans l'expression de sens en arabe saoudite. Ça se voit, Nif. On rial. Et subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite, le chef? Il dit donc, ça c'est, pour ça ça a été découvert uniquement actuellement. Il dit, excepté parce que, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette chose-là ait un temps particulier et que ce soit maintenant, que ce soit découvert. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut nous aider. Donc, on va arrêter ici aujourd'hui, on va finir plus tôt que d'habitude. Parce que le sujet est déjà terminé. Et puis là, je pense pas qu'on a le temps de rentrer dans l'autre sujet. La sortie de la bête, Khuroudoudab, la bête qui va sortir de la terre. Donc, on va arrêter ici. Toutes les Ya'juj wa Ma'juj, mais il a pas mentionné ça. Donc peut-être que ça aussi, ça, parce que comme je vous dis, comme je vous ai expliqué la dernière fois, Cheikh n'a pas tout rapporté ce qui a été dit. Juste le basic là, juste les affaires les plus importantes, juste pour donner une idée qu'est-ce qui va se passer dans les films du jugement dernier. Mais c'est évident que il y a des livres qui sont écrits juste sur les films du jugement dernier qui rentrent dans beaucoup plus de détails. Sur ça. Mais donc, il ne nous reste pas grand chose jusqu'à ce qu'on arrive à la foi en le jour dernier, c'est-à-dire ce qui va arriver après l'établissement du jugement dernier, puis la mort, et puis il va parler de l'âme et beaucoup de choses. Ah non, c'est très intéressant. Il va parler de l'âme, l'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe, ou les deux anges qu'il va demander. Ouais, après, ben ouais. On a fait jusqu'à maintenant les cinq premiers piliers de la foi, là on est dans le cinquième, et là l'autre, le dernier qui reste, c'est la prédestination, et puis après on va, il y a un petit chapitre sur Al-Wala ou Al-Bara, et puis aussi sur la Sunna à la toute fin, et la définition de l'avertissement contre les innovations. Ouais, c'est ça. Le voilà, c'est quand tu t'allies avec quelqu'un, tu te rapproches de quelqu'un, tu aimes quelqu'un. Et Al-Bara, c'est quand tu te désavoues. Et quand tu t'éloignes, et quand tu te coupes de quelqu'un. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux de la croyance islamique. Que les croyants doivent s'allier aux croyants. Et que qui doivent se désavouer des non-croyants ou des idolâtres, tout ça. Mais ça, on va revenir à ça. Très intéressant. Non. Donc, pardon. Non. Ça, c'est une bonne question, mais c'est sûr qu'il a déjà vécu dans le passé, mais à quelle époque exactement, je ne sais pas. Il y a une chose par contre que je voudrais juste mentionner au sujet de Dzulqarnayn. Il y avait Roger Garaudy qui avait avancé que Dzulqarnayn c'était Alexandre le Grand. Et ça, c'est pas vrai, hein, parce que premièrement Alexandre le Grand c'était un Grec, c'était un idolâtre. Il n'était pas croyant en Dieu unique. Et puis son prof c'était Aristote, et Aristote on sait que c'était pas croyant non plus. Donc c'est des gens qui aimaient sorte de corruption, de perversité. Donc ça peut pas être cet homme là, ça peut pas être un homme de ça. Mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Et moi je dis bon, on va le savoir peut-être un jour, mais c'est pas ça, le fait de ne pas le savoir, ça diminue en rien l'importance ou la réalité de ces choses-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien oublié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié. Et s'il ne l'a pas mentionné, c'est pour une sagesse. C'est parce qu'il savait que c'est pas nécessairement important qu'on le sache. Et en fait, qu'est-ce qui est important qu'on comprenne et qu'on sache de cette histoire, c'est la leçon qu'il nous en a donnée. Hein. Il nous fait réfléchir là-dessus et pour nous prévenir et pour nous avertir de qu'est-ce qui se passe vers la fin des temps. Donc, c'est ça l'important, alhamdulillah. Et il y a la même chose au sujet de Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Allah nous a donné un exemple dans ce verset-là et il nous dit les gens vont te demander combien ils étaient et certains d'entre eux vont dire ils étaient 5 et le cinquième était leur chien etc. Donc ils vont spéculer ou diverger sur les nombres et tout, la couleur du chien, c'est quoi son nom, tout ça. Et ça, c'est des détails vraiment pas importants. Quoi. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ce qui était nécessaire pour nous et de ce qui était important pour nous de connaître. Et les autres détails qui sont pas importants, il nous en a épargné. Alhamdoulilah, Rabbil Alameen. Donc, c'est important juste d'être averti et d'être au courant de ça. Thank you.